Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle émission de Random. Random, l'émission, le magazine de la contre-culture hacker, du bidouillage, d'un peu tout ce qui anime la communauté hacker. Donc, cette émission va être, comme les autres émissions, découpée en plusieurs parties. Une première partie pendant laquelle on va parler un peu d'actualité. Une deuxième partie sur laquelle on va développer une actualité, et la troisième où ça sera un peu plus technique. Donc aujourd'hui, au niveau des actualités, on va commencer par la CNDP et le débat qu'il y a eu autour des nanotechnologies. Et qui apparemment a été plutôt chahuté, on n'y était pas, mais apparemment ça s'est plutôt mal passé. Les RG, la BAC étaient là pour surveiller, apparemment il y avait des cartes de CRS à la sortie. Il y a un résumé sur IndieMedia Lille, donc lille.indiemedia.org. Voilà, donc dans la deuxième actualité, il y avait le lundi des libertés numériques dont vous avez parlé dans le dernier agenda. Donc le lundi des libertés numériques, en fait, a surtout tourné autour des traces qu'on pouvait laisser sur Internet. Donc le lundi des libertés numériques, c'est fait par CLX, qui est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres sur la région Nord-Pas-de-Calais. Le club Linux Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Donc en fait, on a vu un peu tout ce qu'on laissait, les cookies, les IP dans les logs, les détails des navigateurs, le navigateur qu'on utilise, le système d'exploitation qu'on utilise, donc voilà. Donc on a ensuite un peu développé, donc on a eu un premier conférencier qui a parlé des traces, le deuxième qui a parlé du moyen de se prémunir de quand on laisse des traces, donc soit par de l'obfuscation, donc en cachant, en noyant les informations dans le bruit, en les rendant anonymes, donc en les chiffrant ou en changeant de l'origine des informations, donc en utilisant le wifi du voisin ou en utilisant des anonymiseurs. Voilà. Donc c'était un peu une séance pratique autour des traces. Donc c'était assez intéressant et je vous recommande d'aller au prochain lundi des libertés numériques. Voilà. Donc sinon, on parle de liberté numérique et on a notre secrétaire d'État à l'économie numérique qui veut nous inventer une nouvelle liberté numérique qui serait le droit à l'oubli. C'est une super création de Nathalie Kosciusko-Morizet, donc qui consisterait en fait à donc un droit à l'oubli, c'est-à-dire que si vous mettez des photos de vous à poil ou tout nu, enfin même chose d'ailleurs, ou bourré ou quoi que ce soit, prise de stupéfiants, n'importe quoi, se retrouve sur des sites type réseaux sociaux, etc., ou des blogs ou que sais-je encore, vous pouvez demander à ce qu'on les enlève. Donc c'est le droit à l'oubli, on doit pouvoir vous oublier sur Internet. Donc un truc où justement vous devenez inoubliable, là maintenant, on veut vous faire avoir le droit à l'oubli, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire là-dessus? Que peut-être on oublie déjà une chose un peu fondamentale, c'est que quand on est adulte, on est quand même considéré comme des gens responsables. Donc il y a peut-être déjà... si on veut pas que certaines informations se retrouvent, faut peut-être pas les produire ou ne pas donner matière à les produire. Donc, soit on assume ce qu'on fait, soit on ne le fait pas. Moi, ça serait plutôt ma position. L'idée, en fait, de toute façon, est fondamentalement mauvaise. Hein. On voit bien à quel gouvernement appartient Nathalie Kosciusko-Morizet. L'idée, en fait, est fondamentalement que, on va restreindre, plutôt que d'apprendre aux gens à utiliser les réseaux informatiques et de leur apprendre à vivre dans la société de l'information, on va plutôt chercher à restreindre la liberté de circulation de l'information du maximum qu'on peut. C'est ce qui est de toute façon la voie qu'on prend avec des lois comme Hadopi, avec d'autres types de lois, les lois sécuritaires qu'on a depuis la gauche plurielle de Jospin, la fameuse loi sur la sécurité quotidienne, je crois, la LSI. Non, intérieure. Non, ça c'était la LSQ. LSQ c'était Sarko. Et... Mais il y en a eu tellement que. Oui, il y en a eu tellement, donc voilà. Enfin, il faut juste se rappeler quand même que ben, toute cette avalanche de textes sécuritaires sur la société de l'information, elle a bien commencé à gauche et pas à droite. Et. Au niveau des autres informations, il y avait, bon, comme d'habitude, quelques news sur le Fernog, toujours des petites choses un peu croustillantes. Alors, au niveau du Fernog, donc le groupe des opérateurs de réseau français, qui est un peu qui est une liste de distribution, une liste oula, de diffusion. Non, les distributions, ça sera pour la fin de l'émission. Donc, une liste de diffusion des opérateurs de réseau, où on trouve des techniciens, des dirigeants d'opérateurs. Et donc là, il y a eu deux polémiques qui ont été lancées. Donc sur le dépire de Free d'un opérateur qui hébergeait des serveurs qui faisaient du phishing, qui essayaient de voler des adresses et des identifiants de Free. Et donc en fait, il y a Free qui a coupé la liaison entre les deux réseaux, donc c'était impossible de joindre l'autre réseau. Alors il y a plusieurs versions, soit Free aurait contacté l'opérateur qui n'aurait pas réagi, donc ils auraient décidé de couper, soit ils auraient fait la coupure directement et ensuite contacté l'opérateur, ce qui est très diplomatique. Oui, tout à fait. Et très normal. Mais en tout cas, on a une réaction qui n'a rien à voir avec le problème. Le problème, c'est le phishing. À la rigueur, il faudrait bloquer les adresses, les mails qui venaient de cet opérateur et qui arrivaient sur les boîtes mail des abonnés. On se trompe de solution par rapport au problème. Par analogie, en fait, par rapport aux routes, excuse-moi, je te coupe, mais par analogie, par rapport au système au réseau routier, hein, y a un bandit dans une rue, et en fait, ou des activistes politiques retranchés dans un squat au fond d'une rue, plutôt que de discuter, d'essayer de voir... on va reprendre l'exemple du bandit, en fait, hein, qui a du transit sur le réseau routier. Eh ben, on fait, plutôt que de discuter avec lui ou d'essayer de trouver des moyens de régler le problème, ben non, on fait sauter la route. Comme ça, il n'y a plus de problème. Surtout que là, oui, pour en revenir à l'hébergeur, en fait, c'était des serveurs mutualisés, il me semble, et donc ça a touché d'autres personnes. Donc, voilà, un peu comme si on coupe l'autoroute et qu'on pose des problèmes à d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Ouais. Et donc la deuxième news sur le Fernog, c'était une bête renégociation de contrat entre deux opérateurs. Qui a donné lieu en fait à une réduction de débit entre Open Transit et Cogent, il me semble. Et donc en fait, en gros, on a eu toutes les connexions venant d'Orange et allant vers certains opérateurs, certains sites, qui ont été vraiment réduits au minimum, qui ont été très très très très lentes parce que le tuyau avait été réduit artificiellement. Donc voilà. Et donc, ce qui va nous amener dans une seconde partie de l'émission à développer un peu autour de la neutralité du net, expliquer ce que c'est l'internet, ce que c'est de faire du peering, parler un peu d'un collectif qui s'appelle Quadrature du Net, qui fait maintenant de la neutralité du net son combat, qui a été formé pour ça, et de dire simplement, mais pourquoi c'est important la neutralité du net. Voilà. Dans les autres news, il y a un fork de Tomboy qui est apparu qui s'appelle Gnote. Donc voilà, Tomboy c'est un truc pour prendre des notes en fait, comme des post-it virtuels sur son ordinateur. Alors pourquoi parler de ce logiciel, d'un fork de ce logiciel-là? En fait, Tomboy c'est un logiciel qui est fait en Mono. Mono qui est une transposition du C# pour les Unix libres. Et donc en fait, on tombe, bien que le logiciel soit libre, il y a des soucis parce que le logiciel en fait est basé sur un langage dont une partie est potentiellement brevetée logiciellement aux États-Unis, ce qui pose des problèmes d'insécurité juridique pour les développeurs du logiciel, et c'est pour ça qu'il y a eu un fork. Voilà. Bon. Le Tomboy était développé par, en grosse partie par SUS, donc il n'y avait pas le souci d'insécurité juridique, parce qu'il y a eu un accord avec Microsoft, mais qui est un peu hallucinant, de dire oui, on vous paye, mais en contrepartie, voilà, vous ne ferez pas usage de vos brevets logiciels contre nous, et voilà, et on reste bons amis. Enfin, moi, j'aurais appelé ça du racket, mais ils ont appelé ça un contrat, un accord, mais bon. Bah, voilà. C'est SUS, hein, après tout, il faut comme ils veulent. Donc voilà. Bon, dans la même veine, on aurait pu parler du brevet sur sudo et de toute la polémique. Bon, c'est pas vraiment un brevet sur sudo. C'est... Donc il y a Microsoft qui a breveté un outil pour élever ses privilèges, et, donc qui se rapproche de sudo. Donc il y a pas mal de polémiques autour. Voilà. Il y avait une news que j'aurais dû dire au début, mais voilà, on va parler maintenant. On nomme une émission aléatoire. Hein. La news porte sur Astrophys. Donc c'était un événement qui avait lieu cette semaine, donc autour de l'astrophysique, sur la place de la République à Lille. Bon, le lien entre astrophysique et milieu hacker se fait pas forcément en fait, mais ce qui est intéressant de voir, c'est il y avait à la fois des acteurs institutionnels, des universités ou des centres de recherche qui présentaient des choses autour de l'astrophysique, des photos, des vidéos, des simulations, mais on avait aussi pas mal d'associations, de passionnés d'électronique, de passionnés de d'expérimentation, que ce soit autour de l'astrophysique, justement. Et donc, il y a eu pas mal d'expérimentations sous le chapiteau. Il y a eu donc la recréation de mini-aurore boréale avec un morceau d'uranium. Bon, ça, c'était l'université, parce que l'uranium, pour des civils, c'est un peu compliqué de s'en procurer. Donc, voilà. Non, mais dans James Bond, il arrive à s'en procurer sans problème. Hein. Oui, mais... Donc voilà, donc avec un bête morceau d'uranium qui envoyait des particules sur un brouillard d'alcool qui était refroidi à moins 10, moins 20. Et donc en fait, on avait des petites aurores qui se formaient sur le brouillard d'alcool. Voilà. Il y avait une autre personne qui, pour montrer aux enfants en fait, qu'on était dans un système héliocentrique et pas dans un système géocentrique, qui a, à partir de trains électriques modifiés, et d'un laser, donc voilà, c'était des cercles concentriques, des trains électriques dans des cercles concentriques qui faisaient les différentes planètes. Et donc il y a un laser qui a été posé entre Mars et la Terre, enfin, les trains électriques qui représentaient Mars et la Terre, et où on a vu le trajet du pointeur laser sur le mur en face, et on voyait que ça faisait un espèce de... ça faisait une boucle comme le ruban du 1er décembre, donc de la lutte contre le sida, le ruban rouge, ça faisait un motif comme ça. Et donc on voyait que le Mars reculait, avançait, et donc faisait cette boucle-là, et ce qui ne pouvait pas avoir lieu dans un système géocentrique. Parce qu'en fait, ça venait du fait du décalage entre les deux orbites. Voilà. Il y avait d'autres expérimentations, j'ai pas tout retenu, mais c'était assez intéressant. Bon, par contre, dans les événements un peu qui nous ont laissé un peu sur notre faim, il y a eu le Web Event Lille, donc c'était samedi, donc c'était un rendez-vous, comme son nom l'indique, qui parlait de web, mais surtout de web 3.0. Yeah. Et donc voilà, c'est il y a eu quelques sujets intéressants. C'était des discussions libres, un peu différentes personnes qui se rencontraient. Mais malheureusement, ça a surtout tourné autour de des outils Ajax, tout ça. Et on n'a pas vraiment abordé des trucs concrets comme la sécurité informatique, comme le fait de maîtriser les outils qu'on utilise, donc d'utiliser du libre. Bon, on a un peu parlé de distribution Linux, ouais. Et un peu abordé j'ai un peu parlé de l'émission et de ce qu'on faisait ici, mais voilà. C'est pas un sujet qui les intéresse plus, enfin c'est beaucoup plus la hype 3.0 machin. Yeah. Donc ouais. Donc là c'est un peu tout pour les news. Donc là on va faire Une petite annonce avant la musique quand même. Si on parle pas en fait du réseau Silk, c'est tout simplement parce qu'il est tombé. Et il est tombé parce que France Télécom m'a mystérieusement coupé ma ligne téléphonique pour la deuxième fois en 2 mois. Et ça tombe pile poil le week-end de l'émission. Waouh! Est-ce que les Chinois du FBI écoutent mon émission? Je n'en sais rien. En tout cas, là, j'ai plus de ligne téléphonique et donc il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de rien, c'est génial. C'est les joies de l'auto-hébergement. Et la musique va arriver. A tout de suite sur les ondes de Radio Campus, 106,6 MHz, FM. Non, non, c'était pas le bon CD en fait. Et donc là, il faut que je meuble, c'est génial. Random émission aléatoire. Où on se gourre sur les platines de CD. Bah, à tout de suite. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM. Vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00. À tout de suite. Donc voilà, c'était donc la Fresh Body Shop avec c'était Hungry Machine de Fresh Body Shop. Et juste avant, on avait eu un remix, donc c'était le QWERTY Pack remix de Cheap Monks de Lobat. Lobat qui est l'artiste qui nous sert à faire nos jingles. Le jingle de début qui était donc A Room Broom with a Mirror. A Room Broom Guy with a Mirror. Et Chipmunks, là c'était la version remixée. Donc voilà. Donc là, on va parler un peu donc, de la neutralité du net, expliquer d'abord ce que c'est que l'Internet, l'importance de la neutralité et présenter un groupe qui prend la défense de la neutralité du net. Voilà. Donc, pour ceux qui écoutent l'émission, qui ne sont pas forcément dans le milieu hacker, comment ça marche l'Internet ? Ah, c'est moi qui parle. Comment ça marche l'Internet ? Internet, comme son nom l'indique, donc Internet, donc inter-networking, c'est-à-dire donc des choses inter-réseau. Donc Internet, c'est le réseau des réseaux. Donc imaginons un bâtiment dans un coin. Et puis, s'il y a un réseau informatique interne à ce bâtiment, et puis imaginons le bâtiment d'en face, qui a un réseau informatique interne à ce bâtiment également. Le principe d'Internet, c'est de faire rejoindre ces deux réseaux. Alors, quand on est qu'à deux, y a pas de problème, en fait. Quand un ordinateur veut accéder aux informations contenues dans un ordinateur d'en face, il n'y a pas trop de problème de routage. Avant de partir dans dans tout ce qui est routage, je voudrais peut-être un peu expliquer qu'au niveau des informations, il y a le fait que ce soit découpé, codifié, que chaque information va être transformée en petits paquets qui vont être réacheminés de toutes les façons possibles. Ouais, voilà, c'est-à-dire que la transmission des données à l'intérieur d'un réseau ne se fait pas en flux continu, mais en paquets, donc des paquets de données, de manière en fait à... Parce que le but du jeu, c'est que le réseau puisse continuer à faire passer du trafic, à faire transiter du trafic, même si une bombe atomique lui tombe dessus. Et l'idée en fait, donc c'est de diviser en paquets. C'est pas comme le réseau téléphonique en fait, où dans le réseau téléphonique, on a la connexion d'un point un autre où on fait transiter un signal et il n'y a pas du tout de routage. Si la liaison est coupée, elle est coupée. Paf, il n'y a plus de tonalité, plus rien. L'idée en fait est donc de faire transiter les informations par paquet de manière en fait à ce que chaque paquet soit indépendant des paquets précédents et des paquets suivants. Et l'idée c'est qu'ils peuvent très bien ne pas suivre le même chemin pour aller d'un point A à un point B. Et donc là, c'est là qu'intervient effectivement le routage. C'est que donc, pour aller d'un bâtiment à un autre, forcément, on n'a qu'un seul chemin, qui est le chemin qui passe sous terre ou alors en aérien entre les deux bâtiments. Mais à partir du moment où on fait ça à l'échelle mondiale, où on a plein de bâtiments dans tous les sens et tout, et donc en fait, chaque bâtiment peut construire plusieurs liens avec les bâtiments d'à côté. Et donc là commencent à intervenir des problématiques du type je suis un bâtiment administratif appartenant à telle mégacorporation mondiale et je voudrais pouvoir aller joindre au plus vite possible, c'est-à-dire au chemin le plus court ou en tout cas au chemin le plus performant, celui avec lequel il y a plus de bandes passantes. Je veux pouvoir aller contacter mon siège japonais ou mon siège français ou même l'Elysée. Et je veux que ce soit simple et rapide. Et donc, de là, en fait, je suis obligé en fait, de passer par d'autres réseaux qui ne m'appartiennent pas, qui ont des politiques qui ne sont pas forcément... qui peuvent être plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées. Et donc, en fait, ces personnes-là, enfin, ces réseaux-là, vont avoir la charge de faire transiter mes paquets à moi, mes données, du siège mondial au siège national. Et ça va être mes données à moi. Et donc c'est vital que les informations ne soient ni altérées, ni filtrées, et que tout le trafic en fait puisse passer intact d'un point A à un point B. Alors je prends l'exemple, en fait, effectivement... Et ces informations-là, à l'origine, en tout cas, une entreprise qui branchait son réseau avec un autre réseau, qui lui était branché à un autre réseau, qui était branché à un autre réseau, etc. Il n'y avait pas de monétarisation du trafic qu'il y avait. C'était chacun était connecté aux autres et le réseau, en fait, faisait transiter de la meilleure façon possible les informations. En fait, tout le monde se rendait un service en rendant l'infrastructure la meilleure possible. Donc voilà. C'est-à-dire que l'amélioration de l'infrastructure était en soi quelque chose d'important. Et c'est de là, en fait, qu'émerge l'idée qu'effectivement, à partir du moment où il y en a un qui décide « Oh ben tiens, lui, je l'aime pas, je vais brider son trafic. » Ou « Oh ben tiens, tel trafic, là, en fait, ma bande passante, je la paye, donc j'ai pas envie de... Je fais ce que je veux, en fait, sur mon réseau, et j'ai pas envie de router tel type de trafic. J'en veux plus. » Donc voilà, et donc tous les personnes qui passent par chez moi peuvent plus avoir accès à tel ou tel type de trafic, ou alors il est altéré, ou alors il est ralenti, ou ceci ou cela. Et en fait, ça embête tout le monde. Parce que, dû au fait que, à un moment ou à un autre, des liens peuvent tomber à droite et à gauche, il est possible en fait que sur mon réseau transitent des données de n'importe qui. Et si je mets en place du bridage, bah, c'est tout le monde qui est bridé, à un moment ou à un autre. Sur une échelle de temps suffisamment longue. D'où l'idée et de l'importance du concept de neutralité des réseaux de communication. Et d'ailleurs, de neutralité des réseaux tout court. La neutralité, elle évite aussi, au-delà de la simple censure d'un type de communication ou d'une communication ou d'un émetteur, ça permet aussi de favoriser l'innovation et d'éviter les situations de monopole. Parce que, en disant, par exemple, on autorise tous les protocoles qu'on connaît. Donc, SMTP, Jabber, MSN. Non, pas Jabber, justement. On utilise MSN. On laisse passer les communications MSN, les communications SMTP, donc le mail. Mais voilà, il y a quelqu'un qui lance un nouveau standard de discussion en temps réel. De discussion en temps réel, donc du Jabber, du Silk. Et non, en fait, c'était filtré. Qu'on autorisait seulement certaines choses, on ne pourrait pas mettre en place donc ces solutions innovantes de messagerie décentralisée, de messagerie sécurisée. Oui. Derrière aussi, si on est dans un réseau plus neutre, par exemple, au hasard, on prend Orange. Prenons Orange, un exemple comme, objectif. Comme fournisseur d'accès. Orange, avant, était que fournisseur d'accès. Maintenant, ils font. Wanadoo, qui est devenu Orange, fait du téléphone, a suivi Free, en fait, l'exemple de Free avec sa Freebox, son service Triple Play, fait de la télé, de la vente en option de la location de vidéos, ce qu'on appelle de la VOD. Et donc, ils sont à la fois fournisseurs de contenu, mais aussi, ils font transiter le contenu. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est pas. Toujours, c'est globalement très peu le cas, mais ça commence à le devenir un peu. Ils vont pas, pour l'instant, le trafic n'est pas ralenti chez leurs concurrents. Par exemple, leurs concurrents qui proposent de la musique, de la vidéo, ils pourraient être ralentis ou ils pourraient le faire payer. C'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas dans certains réseaux. Pour les gros réseaux comme Google Vidéo, YouTube, Dailymotion, tout ça. YouTube, non, pas à ma connaissance, mais Dailymotion, oui, chez Free. C'est chez Free qui a un accord parce que. Un accord, on appelle ça du racket, ouais. Oui. On en revient à la question de racket. En fait, quand vous êtes abonné Free et que vous cliquez sur une vidéo Dailymotion pour regarder les vidéos des manifs de Poitiers ou d'ailleurs que vous avez vues sur IndyMedia. Et quand vous cliquez, en fait, Dailymotion paye une dîme à Free pour avoir le droit de passer par ces tuyaux. On en est revenu vraiment au temps de la dîme et de la gabelle. Donc, pour en revenir aux fournisseurs d'accès mainstream, donc ça peut être Free, Orange, etc., en tant que fournisseur de contenu et fournisseur de connectivité à l'Internet, il y a un risque non négligeable en fait que les informations soient priorisées. C'est-à-dire que tout le trafic en interne ou vers des partenaires commerciaux serait accéléré ou au meilleur niveau. Et ça serait un peu dégradé pour les autres fournisseurs. Donc, par exemple, en regardant une vidéo, on aurait 5 secondes de vidéo, d'un seul coup, paf, la vidéo qui se fige. Le temps que le tampon se recharge du stream du flux de vidéo, hop, 5 secondes, paf, recoupure, rechargement. Alors que si vous alliez choper la vidéo sur le fournisseur... Chez Orange, chez Free, voilà, ça marcherait très très bien. Et donc voilà. Voilà, c'est la neutralité du net, c'est important pour garder la qualité de service vers absolument tous les fournisseurs de services sans aucune distinction. C'est important à la fois pour éviter la censure et tous les problèmes qui en découlent. Voilà. C'est aussi important pour éviter des problématiques que nous connaissons tous et qui sont, on en a tellement l'habitude qu'à force on se dit bah c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Mais par exemple en fait quand vous appelez quand les contrats de téléphonie cellulaire qui sont complètement ils sont complètement à la rue les gars, donc vous appelez, vous êtes abonné à un fournisseur d'accès, enfin un fournisseur d'accès au réseau de téléphone cellulaire. Et ils vous facturent plus cher selon la destination de votre appel. C'est-à-dire que si vous êtes abonné Orange et que vous voulez appeler quelqu'un qui se trouve être un abonné de chez Bouygues ou autre, et bien vous payez plus cher votre appel que si votre correspondant était un abonné Orange. C'est un exemple flagrant de violation éhontée de la neutralité des réseaux de communication en ce qui concerne le cellulaire. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'ils veulent faire exactement sur Internet ce qui se passe déjà dans la téléphonie. Et arriver peu à peu à une concentration et à une entente, comme les opérateurs de GSM et de 3G et leurs pratiques à la limite de la légalité, voire parfois illégales. Le dire, vu qu'il y a eu plusieurs sanctions. Oui. À la fois, je crois qu'il y a eu au niveau européen, il y a eu donc une amende. Et il y a eu quelques avertissements de l'ARCEP, mais l'ARCEP qui n'a aucun pouvoir en France. Et il y a eu des condamnations également pour entente entre les trois fournisseurs d'accès à Internet. Au niveau européen. Et alors, ce qu'il y a d'excellent, c'est qu'en fait, c'est découpé par période. Donc il y a eu des condamnations dans les années 90, de je sais plus, 95 à 97, ensuite de 97 à 2000, ensuite de 2000 à 2002, de 2002 à 2004... Et là, on doit être dans les condamnations pour les suivants. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a toujours eu des ententes sur les réseaux téléphoniques pour maintenir les prix au plus haut possible. Et en plus de ça, ça filtre. Ça fournit les moyens à la police de surveiller tout ce qui bouge. Ça met en place des politiques de bridage. Ça met en place des politiques tarifaires complètement irréelles. Est complètement irrationnel, et c'est à tout prix ce qu'il faut éviter pour Internet. Voilà, et bon. Voilà. Et donc, comme cette neutralité du net, elle est assez importante, faut bien qu'il y ait des personnes qui luttent pour la défendre, qui soient actifs. Il y a différents groupes, il y a un peu toutes les personnes qui côtoient le milieu hacker, pour qui la liberté de l'information, c'est quand même, c'est quelque chose d'important. Il y a les LUG, les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, pour qui la neutralité du net, ça va être important parce que les logiciels libres, ils sont directement tributaires de cet Internet. Donc s'il n'y a plus la possibilité de faire les logiciels sans payer ou sans négocier des accords parce que télécharger un DVD de Debian, de OpenBSD, enfin, un CD d'OpenBSD, ça prend quand même quelques centaines de mégas, voire quelques gigas. Donc, il y a un moment où les logiciels libres pourront pâtir. Donc, il y a les logs qui se bougent pas mal. Comme le dit Orange, il y a Internet et Internet. Il y a Internet Windows et Internet logiciel libre. Et ben là, c'est exactement ça. Et donc, en fait, il y a un collectif qui s'est donc monté. Donc, c'était au moment de Datsy. Il y a eu EUCD.info qui s'est créé. Donc, c'était pour lutter contre la loi sur les droits d'auteur et droits voisins de la société de l'information. Une loi qui mettait en place les mesures techniques de protection, MTP ou DRM en anglais, et qui a fait un fiasco. Terrible, qui a jamais été appliqué. Il y a quand même eu une AMRT qui a été mise en place, une ARMT, Autorité de régulation des mesures techniques, transformée par la loi Hadopi en Hadopi. Mais on pourra en revenir éventuellement peut-être sur le budget, si on veut être un peu le budget de la Hadopi et sur son loyer, si on veut être un peu cynique. Et donc, ce collectif EUCD.info a vraiment été moteur de... il y a eu une pétition, d'abord, qui a réuni 130 000 ou 140 000 signatures, que Richard Matthews-Tellman devait donner à l'Élysée ou à Matignon. Il n'a pas été reçu, et la pétition et lui ont fini dans le caniveau. C'est génial. Donc, voilà. Je ne dirai rien sur le fait que Stallman se soit retrouvé dans le caniveau. Ne rentrons pas dans les polémiques. Ne rentrons pas dans les polémiques. Et je rappelle que les attaques ad hominem sont interdites sur Radio Campus. Même sur Richard Stallman. Oui. Oh mais c'est horrible. Et donc voilà. Donc ce collectif. La censure. Halte à la censure. Bon. Mais là on parle des réseaux. Oui, on parle des réseaux. Oui. Donc ce collectif a évolué ensuite puisque Datsy est passé. Il y a eu un moment, lors de Datsy, une phrase qui a été dit, c'est comme la quadrature du cercle, le net, on peut pas le faire rentrer dans une réalité qui n'est pas à lui, c'est un peu la quadrature du net. Et, donc sur ce jeu de mots, au moment des premières informations sur Hadopi, on a eu donc la quadrature du net qui est apparue. Et donc, qui allait rencontrer des députés, leur expliquer ce qui n'allait pas dans le projet de loi. Sur le projet européen qui ressemble, le projet européen de directive sur les télécommunications, il y avait des dispositions qui ressemblaient à Hadopi, donc la quadrature était assez active. Et donc la quadrature, en fait, c'est quoi ? C'est pas une association. C'est un collectif. C'est un collectif qui fait de la lutte institutionnelle. Au-delà de institutionnel, il y a aussi pour en avoir fait partie une époque, il y a aussi des personnes qui vont faire de l'éducation populaire, expliquer ce que c'est que la neutralité du net, comment ça marche Internet, comment les... Tu veux dire en dehors du périph, en dehors du boulevard périphérique parisien, il y a des gens à la quadrature du net. Il y a des gens, un peu dans certaines villes, dans certains endroits. Il y a des gens... peut-être qu'ils sont pas sur le territoire français, c'est un peu éparpillé en fait. C'est une boîte à outils, comme le disent certaines personnes très impliquées dans la quadrature du net, c'est une boîte à outils. Il y a des analyses, des textes, des amendements, des argumentaires, il y a des outils de suivi de l'actualité, une revue de presse très fournie. Très fournie, oui. Il y a les numéros des assistants parlementaires, des députés. Donc on peut les appeler, et donc souvent, on a une réponse, on peut vraiment discuter. Bon, parfois, sur des sujets très très très polémiques, ils ont déjà eu une centaine de coups de fil avant. c'est un collectif qui manque toujours de bras, il y a toujours besoin d'un coup de main. Bon, on pourra regretter le fait que la quadrature du net n'est que sur l'internet, son sujet ne touche que l'internet. A priori, j'ai entendu dire que ça changerait dans les mois à venir. Il y aurait peut-être une structure officielle. Il y a au niveau de la structure juridique. Au niveau de la structure juridique de la quadrature du net, il y aurait peut-être un truc qui risquerait d'apparaître et qui ferait peut-être pas plaisir aux gens du parti pirate. on rigolerait à ce niveau-là, mais bon. Ce qu'on peut regretter au niveau de la quadrature du net, c'est que c'est vraiment de la lutte institutionnelle et du lobbyisme vis-à-vis des députés. qu'il n'y ait pas vraiment de communication par rapport au monde militant, etc. Et qu'il n'y ait pas de véritable réflexion à long terme autre que la seule nécessité d'avoir des réseaux neutres. Simplement, en fait, avoir des réseaux neutres, c'est très très bien. Youpi, hurra. Sauf qu'à quoi peuvent bien servir des réseaux neutres si on peut perquisitionner chez les gens au simple motif qu'ils se font des réunions publiques sur la Grand Place de Lille, comme les meetings de 1600. Et je vous dis ça, c'est du vécu. Donc voilà. Il y a aussi d'autres problématiques au-delà du monde militant. C'est tout ce qui est vidéosurveillance, tout ce qui est nanotechnologie. Y a énormément de sujets autour des libertés dites numériques, mais aussi des libertés tout court. Là, nous vivons dans la société de l'information. Il y a des sujets qui sont un peu transversaux, parce que entre le fichage, la vidéosurveillance et l'Internet, il y a pas mal de liens à faire. On en revient au sujet de NKM tout à l'heure sur le droit à l'oubli, bon, qui n'est pas une bonne chose en soi pour les choses qu'on a dit, mais voilà. Nous vivons dans la société. Il y a quand même des problématiques qui se croisent et. Tout est lié en fait, hein. Nous vivons dans la société de l'information, tout est lié. Le simple fait de se focaliser sur un sujet précis qui est la neutralité du net, qui est un sujet certes très important, mais qui n'est pas non plus existentiel, voilà, on se demande si c'est vraiment suffisant de se focaliser comme ça sur ce sujet-là et de ne pas aller plus loin dans la réflexion. Voilà. Voilà. Donc après vous avoir présenté un peu tout ça, là on va vous laisser pour une petite pause musicale. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM. Et donc vous pouvez nous appeler au 0320 91 24 00. A tout de suite. A tout de suite. We'll be right back. Donc voilà, de retour sur le plateau de Radio Campus. Donc vous êtes toujours sur Random, l'émission de la contre-culture hacker et tout ce qui va autour. Donc voilà. Donc on va continuer sur la neutralité du net et sur un sujet qui est un peu afférent à la neutralité du net. Je pense que ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des box, des machins box, live box. CGTL Box, 9 Box, etc. Et c'est un peu l'un des premiers problèmes qui est causé à la neutralité du net, c'est dans les box. Je pense que vous avez tous remarqué que déjà on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais ça serait pas trop grave si ça fonctionnait normalement. Il y a quand même par défaut les ports qui sont bloqués par du NAT, une translation d'adresse, mais il y a des ports qui sont bloqués tout court. Si vous voulez avoir un serveur de mail derrière une livebox, c'est pas possible. Il faut prendre une livebox pro et demander à le désactiver sur une livebox personnelle, c'est pas possible. Donc c'est censé lutter contre le spam, mais c'est juste de la censure. Ça pourrait être de la lutte contre le spam à peu près efficace contre des ordinateurs zombies si on pouvait, comme chez Free par exemple, décocher l'option filtrage SMTP. Voilà. Et là, ça serait juste une mesure préventive contre un port qui est utilisé souvent par des vers pour balancer du spam. Ajouter à la politique de ne pas avoir d'adresse fixe pour les box. C'est un peu problématique d'avoir ses propres services. Et en plus, le routeur peut pas forcément. Maintenant, c'est le cas, mais pouvait pas forcément diffuser mettre à jour automatiquement son adresse IP. Mmh. Voilà. Donc, il y a aussi le problème de routage. Si on a plusieurs réseaux connectés sur la box, elle voit pas forcément tous les réseaux. On peut pas faire de routage dynamique. Donc, il y a la nécessité, quand on bidouille un peu, de chercher d'autres solutions que les box. Donc il y a plusieurs solutions, soit prendre un routeur propriétaire Linksys, Cisco ou Litech, mais on a les mêmes soucis qu'avec les livebox ou avec les machin box, c'est que parfois il y a des trucs qu'on peut pas faire parce que c'est un logiciel qui est tout fait. On peut avoir la solution de prendre un vieil ordinateur qui est déjà un peu mieux. On a moins de coûts puisque c'est du matériel qui est déjà à disposition. On peut mettre la distribution qu'on veut. Mais après, il peut y avoir un problème de bruit et d'efficacité énergétique qu'il n'y a pas avec les routeurs. Normaux. En prenant un ordinateur de récup, ça reste un ordinateur qui doit être allumé 24 heures sur 24. Mmh. Ça coûte cher, c'est pas écolo et c'est pas fiable. Donc une solution qui permet à la fois de pouvoir bidouiller, de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut, mais à la fois de pas être trop bruyant et pas être trop consommateur, ça serait de partir sur de l'embarqué, mais de l'embarqué libre. Donc il y a quelques Linksys marqués GL où on peut mettre un Linux dessus, une OpenWRT. Il y a pareil des Buffalo qu'on peut mettre à jour, qu'on peut flasher avec un firmware libre. Les Buffalo, le problème c'est qu'il y a un chipset Broadcom et donc parfois c'est un peu embêtant vu qu'il n'existe pas de driver Wi-Fi libre pour ces chipsets, pour une grosse partie des chipsets Broadcom. Voilà, donc là, c'est des solutions qui sont intéressantes au niveau consommation, mais aussi au niveau des possibilités que le matériel a, de, par exemple, faire du VLAN sur les Buffalo, ce qu'on ne peut pas faire forcément avec une box, donc d'avoir vraiment des réglages poussés du réseau. Après, on peut partir sur du matériel vraiment haut de gamme, quand je dis haut de gamme, du matériel un peu plus poussé, donc des Alix ou des Secris, où là on va avoir vraiment une modularité, donc le fait de pouvoir mettre une compact flash dedans, de pouvoir avoir un port d'extension mini PCI, de l'USB, pour la Secris je me souviens plus, mais pour l'Alix c'est un processeur AMD Geode, donc c'est une architecture standard, donc c'est plus simple de retrouver des logiciels ou au moins des portages de logiciels pour cette architecture puisqu'elle est plus courante. Donc moi personnellement, pour les projets que j'ai lus, je suis soit parti sur de l'embarqué du Buffalo qui consommait peu, ou des Fonera. Les Fonera sont assez intéressantes parce qu'elles ne sont pas trop chères et on peut vraiment les bidouiller. Et pour de l'Alix, pour des besoins un peu plus poussés. Donc après, il y a le... Il y a le choix de la distribution qui est important. Le choix du système. Du système, oui, mais bon, on va peut-être pas mettre un Windows XP sur un routeur. Donc c'est bah non, plutôt le terme de distribution qui est utilisé. Non, mais si tu utilises le terme de distribution, c'est que l'IX. Non, il y a des distributions BSD aussi. Wow. Donc, voilà. Et donc là, justement, oui, les distributions mainstream ne sont pas forcément adaptées. Là, j'en retiendrai trois. Il y a IPCOP, où on a l'avantage d'avoir vraiment tout packagé. OpenBSD, où on a vraiment l'avantage d'avoir un peu plus de sécurité, notamment l'inspection des paquets avec PF. Il y a eu une conférence... assez intéressante là-dessus il y a quelques semaines. Donc voilà. Sinon, pour les architectures ARM, donc les Buffalo et autres, il y a OpenWRT où c'est vraiment très modulaire et on peut vraiment patcher, vraiment faire un petit système aux petits oignons. Bon. Donc voilà. J'espère quelques pistes, quelques infos qui vont intéresser des personnes et pour qu'elles se lancent un peu dans tout ce qui est routage. Voilà. Et vous trouverez de toute façon tous les liens vers ce dont on a parlé sur le site lille.dg-c.org/random dès qu'on aura récupéré la connectivité. Et puis de toute façon, il y aura également un résumé de l'émission sur radio, donc sur le site de Campus, donc campuslille.com. Donc on va passer à l'agenda. Juste avant de passer l'antenne à Chupa Pimento, l'émission d'électronique. Voilà, donc au niveau de l'agenda, les prochains événements, c'est vendredi prochain. Donc il y a le meeting 2600. Meeting 2600 Lille, donc vendredi 4 décembre. Premier vendredi de chaque mois, meeting 2600 Lille. Donc 2600lille.org dès qu'on aura récupéré la connectivité également. Et voilà. C'est le meeting dans deux semaines en fait, pas dans une semaine. Ouais, c'est dans deux semaines, ouais, c'est ce que j'allais et, dire. Et donc sinon, il y a pour ceux qui s'intéressent un peu au logiciel libre, qui veulent un peu discuter librement, il y a la permanence de Stinux le prochain mardi. Sinon on retrouve le lundi prochain, donc le... Oula. Il y a ma langue qui a fourché. On retrouve donc, le lundi dernier, le troisième lundi de chaque mois, le lundi des libertés numériques. Ouais. Donc il y aura l'agenda qui sera en ligne sur le site dès qu'on aura récupéré. La connectivité, tout à fait. Et la prochaine émission random, donc dans 15 jours, ça va être donc genre le 6 décembre, un truc comme ça. Ouais. Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6. Décembre. Bon. 19h-20h, Radio Campus 106,6. Sur ce, on vous laisse avec Chupa Pimento sur Radio Campus 106,6 FM. Bonne soirée, bonne fin de dimanche, au revoir.